man la adjudant ngagn may filé wat ben les plats wa dafa amone ben way nak da fa deur ba yaax quoi munul sax ki ndeysan munul wax bu baax da deur bu metti quoi légui ki bi jabar ji nako nak il faut nga dem ci médecin mu daldi ñew dem ci médecin bi nako wa docteur ba yaax bo bref mu expliquer médecin bi nako wa kay sumi ko nak sa bi nako ah waaw li la kay yow sa affaire yi ñoo reuy quoi dafa reuy lool motax ngay dret bi yépp yi ci ñoo motax do mëna wax lool motax légui amna solution dama la koy dindil jox la bu ndaw comme ça après di nga mëna dina bax mu né ok médecin bi dindil affaire yi jox ko normal bu ndaw waaw dindi bagagem bu reuy bi quoi wa ñi bi nak contane dal di normal di wax normalement je creup ay au bout de 3 jours jabar ji mar quoi nako non man je préférais bi nga déré sax au moins tu me satisfaisais quoi parce que maintenant amato mo ben plaisir dama gis médecin bu délo la sa affaire bi parce que mon deur bi sax momu gënal quoi waji délu ci médecin bi nak ñu nako way docteur légui nak dal dama ñëwaat quoi parce que sama femme néna mom elle préférait avant quoi parce que instant yi mom voilà quoi doyumako quoi bu won nga délo ma affaire bi médecin bi nako sa